voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. L'émission radio La Voix du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du changement. Aujourd'hui retraités, Pierre et Martine ont passé leur vie à bosser dans leur ferme Cévenol. Pionniers du bio il y a 50 ans, ce couple revient sur leur histoire et les choix qu'ils ont faits au cours de leur vie. La Voix du Kaizen leur donne la parole. Bientôt 70 ans, hein. Et ça veut dire j'ai survécu jusque-là, c'est déjà pas mal, il y en a plein qui n'y arrivent pas. Et puis Pierre, bûche-berger, hein, bûche de bois, berger comme celui qui garde les moutons, et puis Pierre comme les cailloux. Donc voilà, le jour où je me suis approprié ces trois morceaux de mon nom, et ben ça a été. Voilà, parce qu'avant Pierre, pour moi c'était Saint-Pierre, et Saint-Pierre, ça me faisait plutôt flipper qu'autre chose. Quoi. Pourtant, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, ça me plaisait pas mal. J'ai toujours aimé un peu les paraboles et les trucs, parce que bon, éducation chrétienne, etc. Mais j'aimais bien les paraboles, notamment celle du semeur. Celui qui se balade avec son sac de graines, il y a des graines qui tombent dans la terre dure comme ça, où les chariots y passent, où le bétail passe et qui germera jamais parce qu'elle a aucune chance. Il y en a qui tombent dans le fossé où ça va être étouffé par les mauvaises herbes, puis il y en a qui tombent dans le terrain qui est fertile, et puis voilà. Ça. J'ai toujours bien aimé ça, quoi, et c'est pas que j'y pense constamment, mais je trouve qu'il y a une symbolique là-dedans qui est sympathique. Et le terrain, ça a toujours été mon truc de prédilection, le terrain. Depuis toujours ? Depuis pas mal de temps, oui. Depuis pas mal de temps. Il faut dire que j'avais une mère qui était déjà une nana qui se posait des questions. Et ma mère tenait un des premiers magasins de la vie claire il y a 40 ou 50 ans. Donc c'est quand même quelque chose, quoi. Je suis un peu tombé dans la potion quand j'étais petit, quoi. La vie claire, ça s'appelait pas la vie claire. Il y a 50 ans, ça s'appelait l'aliment sain. Et Geffroy, c'était un des pionniers donc de la réflexion alimentation, qualité de l'alimentation. Et leur mot d'ordre, c'était « Vous n'êtes pas malade, mais seulement affaibli par une nourriture de mauvaise qualité. » Ce qui, aujourd'hui, est très énormément d'actualité, quoi. Ils avaient 50 ans d'avance, quoi. Complètement. Donc toi, t'es bercé là-dedans, t'as pas pris le contre-pied, t'as vraiment trouvé une cohérence. Bien sûr que j'ai pris le contre-pied, évidemment. À 15 ans, on va tout péter, tu te saoules la gueule, tu te défonces, tu penses qu'à la baise, etc., etc., quoi. Voilà, etc. Je suis passé complètement par là, oui, bien sûr. Oui. J'ai d'ailleurs failli en crever, quoi. Et il faut toucher le fond pour remonter. Et remonter vers où, alors ? Dans ce chaos existentiel de l'adolescence et de l'après-adolescence, post-68ard, avec tous les rêves, les possibles, les fantasmes, de fil en aiguille, on s'est retrouvé à acheter une petite propriété dans les Cévennes. D'une ancienne petite ferme, Cévenol, en ruine. Alors, la maison était en ruine, les terres étaient en ruine, parce qu'abandonnées depuis environ une cinquantaine d'années. Personnellement, moi, je pense que j'étais en ruine également. Parce que j'étais dans le même état, tout était à faire, quoi. Autant sur moi que sur les terres, que sur la maison, quoi. Pour en revenir à tes ruines intérieures, de comment tu les identifies, pourquoi ? Ben parce que c'est pas du tout facile de savoir, de distinguer pour être simple, je dirais le vrai du faux, de faire des choix. C'est pas du tout facile de faire des choix qui soient personnels, qui te correspondent intimement. Pas du tout facile, quoi. T'es tellement sollicité par des idéologies, par Oui, par des choses qui te sont proposées, parce que c'est dans l'air du temps, par des modes, par des idéologies. Moi, j'ai été beatnik, on a été hippie, etc. Il t'arrive plein de trucs. La société produit tellement de choses qui deviennent des, qui sont dans l'air du temps, quoi. Est-ce que l'air du temps, c'est ton air intérieur? C'est pas du tout évident. Pourquoi avoir fait le choix de construire, ou plutôt de d'acheter cette ruine dans les Cévennes, et pas peut-être de coller un modèle économique qui était imposé à l'époque, qui était plutôt l'exode rural, les gens quittaient les campagnes pour rejoindre les banlieues des villes? C'était pas particulièrement l'appel de la terre, moi je dirais que c'était l'appel d'un endroit où pouvoir se cacher tranquille, sans avoir des flics partout, et voilà, pour avoir une certaine... ne pas avoir le regard oppressant de l'environnement social, quoi. Ouais, c'est plutôt ça, quoi. Trouver un espace un peu de possible et de liberté, quoi. Vous écoutez La Voix du Kaizen. On va partager les voix un petit peu. Donc Martine, comment est-ce que toi tu te définirais? Une retraitée heureuse. Ouais, parce que ça, on a quand même, surtout à la fin de notre passage à la baraque, beaucoup travaillé, donc c'est vrai que ça fait du bien de lever le pied et d'être plus tranquille quelque part, même si vous nous avez vu un peu agité. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup d'occupations, on n'est pas du tout plan-plan, mais c'est plus le fardeau, la responsabilité du travail, et c'est quand même pas mal. Oui, alors quand on voit Bûche qui évoque les débuts à la baraque, c'est sûr que c'était très différent. La fin à la baraque était très très différente, parce qu'on a fini par trouver une voie, des choses qui nous plaisaient, et plus on avançait en âge, autant au début qu'on était là-bas, Bûche il disait « moi je veux prendre ma retraite à 20 ans », autant à 50 ans on a travaillé comme des fous, parce que voilà, c'était... on faisait des choses parce que ça nous plaisait, ça nous correspondait, c'était ça qu'on voulait faire, et voilà quoi. Donc on a beaucoup travaillé après. Et ce travail a été choisi pour pouvoir gagner de l'argent et vivre, ou il a été choisi pour remplir son quotidien? Qu'est-ce qui fait qu'on travaille? Ben non, là c'est vrai qu'il y a quand même eu un moment où il fallait essayer d'avoir un minimum d'argent pour le minimum de dépenses qu'on avait, et donc on a trouvé une voie pour gagner cet argent-là, et on a creusé dans ce sillon-là, disons. Ça demandait tellement de temps, il y a eu un moment où on s'est senti débordé, d'ailleurs dans les années 87-88, on a eu l'impression qu'on n'y arriverait jamais, quoi, et... Pourquoi pas vouloir faire de crédit et d'emprunt à cette époque-là? Personne ne nous aurait... Une fois, on a demandé à la banque, parce qu'il y avait une ruine qui se vendait à côté de nous. Une fois, on a demandé à la banque si on pouvait emprunter, et personne ne voulait nous prêter, bien sûr. On n'avait aucun répondant, quoi. Hein. Donc ça, c'était pas possible. Hein. J'arrivais une fois ou deux qu'on emprunte une petite somme à la famille, quoi. Bon, voilà, qu'on leur rendait après, mais c'est tout, quoi. Les banques, et jamais personne ne nous aurait prêté pour là-bas. D'ailleurs, ils nous l'ont dit, à cette époque-là, nous, on leur a expliqué qu'on voulait faire des gîtes, un gîte d'étape. Bon, après, en effet, il s'est trouvé que c'était sur le GR, on était sur le GR, c'était tout à fait bien vu, et nous, on le sentait depuis le début, quoi. On savait qu'il y avait des gens qui aimaient marcher dans la région, et que c'était bien de faire des structures, et... Mais ils nous ont dit non, ça marchera jamais. Enfin bon. Quoi. Alors, les rentrées d'argent, le modèle économique, c'est qui peut m'en parler? De quoi vous viviez? Pendant les premières années de notre installation, elle allait faire des enquêtes de marketing par rapport à des possibilités qu'elle avait eues avant qu'on se mette à la campagne. Et moi, je faisais des chantiers chez des particuliers qui avaient besoin de faire leur jardin, d'abattre des arbres, des trucs comme ça, quoi. Voilà, de la maçonnerie, des trucs comme ça. Voilà ce que j'ai fait pendant un certain nombre d'années. Et puis après, ben, on a commencé à progressivement, mais très rapidement, des activités de ma mère, donc qui tenait ce magasin de la Vie Claire, j'avais hérité deux recettes. Une qui était un pâté végétal aux champignons sauvages, et une qui était des galettes de blé aux légumes. Et donc, c'était des recettes qui nous convenaient bien, parce que c'est des recettes qui ne coûtent pas cher et qui sont nutritives. Et donc, ces recettes, on a fabriqué ce pâté végétal et ces galettes de blé à partir de produits que l'on achetait. Il y avait des possibilités d'avoir un peu des trucs le mer bouché, etc. Donc du blé un peu bio, des trucs, des producteurs, quoi. Et donc on a commencé à vendre du pâté végétal, des galettes de blé, dans ce qui s'appelait les foires artisanales à l'époque. Ça a disparu, mais ça nous, et on a commencé à gagner un peu d'argent avec une activité qui n'était plus une activité extérieure, mais une activité que nous on avait mis en place et qui avait des racines dans le monde agricole, bio, et également voilà, dans la vente directe. À l'époque, du fait qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, et parce que ça nous plaisait, on voulait tout faire nous-mêmes, quoi. Bûche, il faisait le garagiste, il faisait le maçon, il faisait tout, hein, tout. Et bon, ben, on faisait notre cuisine, on faisait les jardins, on faisait... Non, on essayait de tout faire. Les fringues, on les faisait pas. Moi, j'ai jamais été trop couturière, mais on faisait de la récupération. Il y avait vraiment pas besoin d'acheter des fringues, quoi. Je veux dire, il y en avait tellement partout, et encore maintenant, hein. Je veux dire, c'est facile de s'habiller en récupérant ce que les gens y jettent, surtout pour vivre à la baraque où personne venait nous embêter si on avait un petit trou, si on avait un petit... Ben, et puis on n'avait pas d'électricité, pas de machine, ça c'est sûr. Et tout l'avait à la main, on le faisait l'été à la rivière, quoi. Hein. Mais l'hiver, c'était trop compliqué. Ah ben oui, c'était bien, oui. Oui, c'était parfait, oui. Ben, pour moi, ça m'a permis de... de faire fonctionner mon corps et puis ma tête. C'était très beau, quoi. C'était sous la pluie, dans le froid, en plein cagnard. C'est initiateur. C'est initiateur. Et puis, à force de te foutre des cailloux sur les pieds, de t'écraser les doigts, de te faire mal parce que t'es maladroit, parce que t'y connais rien, parce qu'on t'a jamais appris ça, de se confronter avec la nature dans cet état-là, à l'état brut, t'es obligé. Soit tu pleures et puis tu t'abandonnes, tu jettes l'éponge, tu t'en vas. Soit tu fais marcher ta tête et t'apprends à ne plus te faire mal. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Et toi, Marton, si tu regardes donc ta vie avec un peu de recul, hein, cette vie dure, cette vie paysanne, cette vie où vous étiez un peu isolé, proche de la nature, est-ce que tu regrettes ? Est-ce que tu es heureuse des choix que tu as pu faire ? Du tout, je regrette pas du tout. Non, il y a. C'est sûr qu'il y a des moments où j'en avais un peu marre, c'était sur. Ouais, voilà, c'était l'isolement qui était le plus dur. Mais sinon, moi, j'étais très contente parce que je voyais évoluer quelque chose, quoi. Je voyais. C'est ça qui est formidable quand tu pars de rien. Moi, je voyais ce que c'était un développement, mais pas un développement économique. Bon, on a eu aussi quelque part après une forme de développement économique. On est arrivé à avoir à être plus à l'aise, je dirais, au niveau économique. Mais c'était un développement biologique, c'est-à-dire que tu pars du minéral et petit à petit, tu vois émerger du végétal, plus de végétal, du végétal qui t'accompagne, dont tu as besoin pour te nourrir, du végétal dont tu as besoin pour te faire de l'ombre, pour la beauté du paysage. C'était beau de voir cet environnement se créer. Et puis maintenant, quand on y retourne, il n'y a pas à dire, on apprécie, quoi. On apprécie toujours de se balader à la baraque, de voir comme c'est beau, comme c'est agréable, voilà. Comment vous gagniez votre vie ? Donc, comment tu gagnais de l'argent et comment tu le dépensais ? Quelles étaient les dépenses et quelles étaient les ressources ? Au début que j'étais à la baraque, je m'étais amusée à faire des comptes. Et le principal poste de dépense, c'était la bagnole. Il n'y avait pas de mystère. Hein. C'était la seule chose. On ne payait pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone, on n'avait rien. Donc les fringues, comme je vous disais, on les récupérait à droite à gauche. Non, c'était la bagnole qui nous coûtait cher. Hein, ça. Et c'était quand même complètement indispensable. Quoi, hein. C'est toujours quelque chose... Dans les campagnes, voilà. Et pourtant, il faut qu'on apprenne à se passer de bagnole. Ou alors, il faudra qu'elle soit différente. Hein. On parle de moteurs qui marcheraient avec de l'eau. Dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi on continuerait pas à utiliser des bagnoles. Mais encore faut-il que les pétroliers permettent aux gens qui font des recherches dans ce sens-là d'arriver à leur but. Et alors, les rentrées d'argent, ben voilà, moi, j'avais fait des petits boulots étudiantes d'aller faire du porte-à-porte à poser des questions aux gens. Je faisais une semaine, voilà, on avait de quoi rester tranquille pendant 3 mois. Après, je refaisais une semaine de boulot, en déplacement, quoi. Hein. Donc, bon, moi, en plus, j'aime bien bouger, j'aime bien découvrir d'autres endroits, d'autres villes, d'autres gens, donc ça ne me gênait pas trop. On va en parler, ouais, des ressources actuelles. Donc, toi, Bûche, tu as combien de retraites aujourd'hui? Un peu moins de 500 euros. Et moi, je dois avoir 630, voilà, à peu près. Et quelles sont les dépenses aujourd'hui? Moi, je fais des animations pédagogiques, je fais des conférences, je suis formateur, donc ça me rapporte, allez, 3000 euros par an, 3000 euros de plus par an. Donc toi, Bûche, c'est quoi les conférences que tu fais, les animations, les formations que tu animes? Donc on a fait une formation à l'école d'agrobiologie de Beaujeu en 1990 en gros, et on était allé à l'école d'agrobiologie de Beaujeu parce que sur la ferme on avait des problèmes d'agronomie, des problèmes agricoles, et les techniciens que l'on côtoyait n'avait pas le temps, n'était pas disponible, c'était trop parcellaire pour me donner les informations dont j'avais besoin pour pouvoir faire évoluer cette ferme vers une meilleure fertilité. Et ici, on faisait partie du groupe Nature et Progrès, et le groupe Nature et Progrès faisait chaque année... Enfin, avait tenté chaque année de faire un stand au salon agricole local pour parler de l'agriculture bio et de Nature et Progrès. Et chaque année, on se posait la question, mais comment on va faire un stand pour attirer les gens, pour que ce soit beau, etc. Et donc, on a eu l'idée de faire une animation sur comment les sols se forment et qu'est-ce qui est un truc visuel, et pour que les gens comprennent ce que c'était que la fertilité des sols par rapport à l'agriculture chimique qui, elle, consomme les sols mais ne les entretient pas en état de fertilité. En tout cas, vous êtes dans cette mouvance-là de comprendre la dynamique des sols dans l'agriculture biologique. Pourquoi avoir fait ce choix-là et pas être de l'autre côté de la barrière, dans le côté productiviste, exploitation des sols? Enfin, pourquoi le bio, finalement? Comment vous en êtes venu à cette démarche-là? Pourquoi vous êtes là et pas ailleurs? Ben parce que t'as d'un côté une agriculture qui balance des têtes de mort de partout, quoi. Et puis voilà, le choix, c'était de ne pas contribuer à ce saccage et à cette mise à mort de la planète, quoi. Vous écoutez La Voix du Kaizen. C'est facile de construire quelque chose de sobre. Mais quand tu es en milieu urbain et que tout autour, tu as des rues, des voitures, des conduites, des poteaux électriques, des machins, illustrer de la sobriété heureuse, parce que... et puis la vivre. Bon, la vivre, tu continues à vivre en essayant d'économiser au maximum, de valoriser au maximum. Mais après, tu as le voisinage aussi, tu vois. Voilà, c'est des liens avec les gens, hein. Voilà. Mais bon, ça définit pas ce que c'est que la sobriété heureuse. Il y a un truc que par rapport à la décroissance, je l'ai lu encore l'autre jour. Là, vous avez dit la croissance, c'est pas la solution, c'est le problème. Et donc, voilà. Bon, c'est vaste sujet de débat. Hein. Voilà, en gros, bon, croissance illimitée dans un monde limité. Bon, on sait qu'aujourd'hui, 50% de la bouffe qui est produite est jetée aux poubelles, donc on pourrait nourrir toute l'humanité avec ce qu'on produit. Bon, c'est sûr que on le produit pas en bio, donc c'est désastreux pour tout un tas de trucs. Parce que c'est énergivore, hein, au niveau de mille trucs. Hein. On coupe les forêts pour faire pousser des agrocarburants. Enfin bon, c'est un saccage. C'est dramatique, croissance illimitée dans un monde limité, il va falloir réduire les dépenses, quoi. Et moi, je sais que simplement avoir le ventre trop plein, eh ben, ça fait mal au bide, quoi. Il faut le porter, quoi. Et donc, je préfère avoir le ventre un peu plat. La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine, à retrouver en kiosque tous les deux mois.